Anne-Marie, est-ce que tu pourrais maintenant, Anne-Marie Faure, est-ce que tu pourrais maintenant nous évoquer l'expérience de Videa et en amont, effectivement, ton parcours et peut-être aussi le parcours de celle qui composait ce collectif créé en juillet 1974, si je ne m'abuse, d'après les archives. Videa, donc on était quatre femmes. Aucune de nous ne venait du cinéma. En fait, on était cinéphiles, hein, c'est sûr, mais avec aucune formation cinématographique. Cine Guérin et Catherine Lahourcade avaient suivi un stage à New York, à la Kitchen, où elles avaient donc eu une petite expérience de la vidéo. Ma sœur, enfin on était quatre, donc il y avait, comme disait Anne-Marie Buguet, les groupes en fait vidéo, c'était des couples. Donc il y avait Cine et Catherine qui étaient un couple de femmes, et ma sœur et moi qui étions une forme de couple, un peu atypique mais assez inséparable. Donc Cine et Catherine avaient eu cette formation, ma sœur travaillait dans la pub. Elle n'avait absolument aucune formation cinématographique. Et moi, en 69, j'étais rentrée aux Beaux-Arts, en architecture, dans ce qu'on appelait cette partie de cette école d'architecture qui s'appelait UP6 et qui était en fait le repère des gauchistes. Et donc, moi tout de suite, je me suis dit, bon, comme tous les jeunes de cette époque-là, je militerais bien dans quelque chose. C'était pas, sans vraiment savoir dans quoi j'allais vraiment m'asseoir. Et je suis allée voir la Ligue. Bon, ils ne m'ont pas convaincue. Je suis allée voir l'AGP, ils ne m'ont pas convaincue. Enfin, la Ligue communiste, la gauche prolétarienne. Un peu VLR, ils étaient déjà plus sympathiques. Mais en fait, franchement, pour moi, c'était vraiment des histoires d'hommes. Je ne voyais pas ma place dans toutes les AG, parce que toutes les AG, la plupart des AG se passaient aux Beaux-Arts, et dans toutes les AG, les femmes, en fait, elles étaient toujours un peu en retrait. Enfin, c'était souvent des luttes de coq dans les AG. Donc, moi, je n'y voyais pas vraiment ma place, et puis, il se trouve qu'en 71, j'ai un peu, parce que j'allais comme ça, je cherchais ma voie, disons. Je suis rentrée dans une AG des féministes révolutionnaires aux Beaux-Arts. Alors là, j'étais tout de suite convaincue, j'ai pas, je veux dire, aucune hésitation. Et donc, alors je pourrais dire que les quatre femmes de Videa, en fait, on est arrivées à la vidéo par le féminisme, par le militantisme, et non pas par le cinéma. Donc ça c'était 71. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait comme toutes les féministes, je suis allée aux AG, les manifs, la première manif de novembre 71. J'ai vendu le torchon brûle sans n'y avoir jamais participé. Voilà, puis bon, ma soeur pareil. En général, on était un peu dans le mimétisme. Et j'avais très envie de faire quelque chose de plus précis dans le mouvement. Je ne savais pas très. Bon. Plus que d'être la militante de base. Et comme ma sœur et moi, on aimait bien le cinéma, on a un peu participé à l'organisation du premier festival de films de femmes, qui était en avril, je crois que c'était avril 74, hein, c'est ça. Oui, le festival Musidora. Musidora, Musidora, absolument. Non, c'était au musée d'art moderne, à l'Arc. Tu vois, musée d'art moderne, enfin maintenant qui s'appelle. Et à l'Olympique en même temps. Il y avait deux salles. Il y avait aussi la salle de Frédéric Mitterrand qui accueillait des projections à l'Olympique. Absolument. Mais tous les débats, en fait, se passaient surtout à l'Arc. c'était parce qu'il y avait des grandes salles qui étaient assez ouvertes et conviviales. Et donc c'est là où on a rencontré Sine et Catherine, donc qui revenaient des États-Unis, qui avaient déjà un portable demi-pouce Sony, le Portapack. Et là, bon, on a tout de suite sympathisé, on s'est dit vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et alors c'est vrai que j'ai apporté un plus, disons, dans le groupe, c'était le fait que j'étais étudiante à UP6 et qu'il y avait un studio audiovisuel dont je connaissais assez bien les techniciens. Donc, elles arrivaient avec leur tout petit bagage technique, et moi j'apportais en fait la possibilité de monter, parce que c'était quand même un problème, le montage. D'abord, on n'avait pas d'argent, et il n'était pas question de s'acheter. C'était relativement cher, hein, le portable. Non, mais même le tournage, l'unité de tournage, c'était déjà assez cher. Donc, Sine et Catherine en avaient un, puis après, peu de temps après, on a acheté l'autre, ma sœur et moi. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est formé, le groupe, c'est avec un portable, et puis la possibilité de monter gratuitement, et puis notre énergie militante. Et qu'est-ce que vous avez tourné comme type de vidéo, sachant que l'expérience de Vidéa a été une expérience assez courte, hein. Si je ne m'abuse, ça se stoppe, enfin, ça vous arrêtez le groupe au début de l'année 1976. Donc vous avez une grosse période de production qui correspond à l'année 1975. On va voir après en fait, un extrait de cette année. On a arrêté, on avait filmé, alors toutes les bandes sont perdues. La dernière chose qu'on a filmée, c'était le tribunal des crimes contre les femmes à Bruxelles. 1976. 16 mars, je crois. Peut-être, voilà. Et après, on s'est retrouvés face à des quantités de rush. Et on n'a pas su vraiment comment monter tout ça, quoi faire de tous ces témoignages. C'est vrai que c'était un peu fastidieux, hein, sur le plan d'image. Bon, puis voilà. On s'est séparés sans animosité. C'est plutôt par manque de projets communs. En fait, Sine a continué. Non, ils n'ont pas continué. En fait, finalement, moi, je suis la seule à avoir continué. C'est vraiment... Qui a eu l'idée de ce formidable nom, Vidéa? Bon, ça, c'est assez facile, hein, c'est vidéo au fait. Oui, mais justement, comme toutes les idées simples, il faut les trouver. Ça, je sais pas. Tu sais, ça fait quand même presque 40 ans. Et il y a aussi un peu d'amnésie, quand même. C'est très intéressant ce que tu disais quand tu expliquais que finalement, vous envisagiez la vidéo comme votre contribution au mouvement féministe. Finalement, c'est une idée qu'on retrouve, je trouve, un peu aussi chez Carole et Paul Roussopoulos, quand ils expliquent que pour eux, finalement, faire de la vidéo, c'est une manière, effectivement, d'entrer, finalement, dans la lutte révolutionnaire, mais dans le domaine, disaient-ils, des superstructures. Ils expliquaient, notre idée était et reste, donc dans une large mesure, que l'on pouvait attaquer la société bourgeoise par les toits plutôt que par les fondations. Nous pensions plus ou moins confusément qu'il n'y avait aucun espoir réel que le système explose par la lutte des classes. La solution pouvait consister pour nous dans l'immédiat à contribuer à le faire sauter par en haut en minant la toiture, c'est-à-dire les superstructures idéologiques. Et Carole et Paul Roussopoulos avaient aussi cette idée que la vidéo était une contribution au mouvement de transformation sociale auquel ils entendaient participer. Et leur positionnement était également un positionnement plutôt, en tout cas dans un premier temps, à partir du mouvement militant, et non pas à partir du cinéma, puisque eux-mêmes n'avaient pas non plus, ça a été rappelé lors de la dernière séance, de formation initiale dans le domaine du cinéma. Donc je pense que là, d'ailleurs, on voit des parcours qui sont... pour le coup, pas exactement les mêmes. Effectivement, certains d'entre vous venaient davantage déjà du cinéma et d'autres pas du tout. Oui, mais donc, on voulait participer par le film à la lutte, aux luttes. C'était, on voulait faire des films, mais on voulait participer en lutte. Il y avait quand même, moi j'ai retrouvé des articles que j'ai écrits sur les films de mai 68 dans la revue du PSU, et j'en ai montré aussi dans une semaine en novembre 68, une semaine du cinéma politique. Donc, on voulait continuer par la vidéo ce qui avait été commencé en 68, et avant et après, avec de la pellicule. Quoi, voilà. On s'inscrivait dans ce mouvement quoi, de films engagés, liés à des luttes précises. On choisissait les luttes auxquelles on voulait se joindre. Nous, ça a été, Daniel avait fait des films féministes avant 16 mm. Elle a continué en vidéo. Mais en même temps. Choisissait aussi d'être plutôt près des luttes de la CFDT. La déléguée syndicale qui a été virée, elle était CFDT, par exemple. Et avec eux, on pouvait, avec la CFDT, on pouvait avoir des sortes d'autonomie de soutien. Alors qu'avec la CGT, on pensait qu'on se ferait récupérer tout de suite. On avait peut-être là-dessus une petite différence. C'est pourquoi on a fait des films peut-être parfois un peu plus emmerdants. Mais c'est-à-dire que en fait on essayait de capter quand même ce qui était mutation dans la société. Hein, et qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui changeait, quoi. Et quels étaient un peu les acquis. Je pense aussi que Hugo, vous faisiez à peu près la même chose, mais enfin nous c'était quand même on le faisait un peu d'une façon consciente. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu, à partir des années 75, il y a eu tout un mouvement où les travailleurs, où les habitants, on verra tout à l'heure peut-être dans Alma Future, s'alliaient avec des sources de connaissances. C'est les architectes, les sociologues, etc., pour construire leur lutte. Vous voyez dans l'autogestion, là, dans commune le temps d'autogestion, on retrouve aussi cette tendance à se saisir des connaissances pour organiser des contre-pouvoirs. Voyez, et donc, nous, de notre côté, à Vidéo 00, on n'accompagnait pas spécialement la CFDT ou la CGT ou le PSU, etc. On était... même les luttes, on ne les accompagnait pas en tant que telles. En fait, on avait une sorte d'indépendance, un petit peu qui évoque l'anarchisme, quoi. Mais vous voyez, bien sûr, tout ça n'est pas limpide. Hein, il y avait des composantes certainement aussi comme ça dans les autres groupes vidéo et dans les collectifs vidéo, etc. Puis nous, bon, forcément. Almagar, là, on a accompagné les gens dans leur lutte, mais vous voyez, c'est cette ressource. Et ça, c'est ensuite, mais ça a duré des années, hein, ça, 10-15 ans. Et donc voilà, il y avait donc toutes sortes d'approches. Cette idée de contre-pouvoir, effectivement, elle semble récurrente dans toutes les présentations des différents collectifs vidéo. Et en l'occurrence, dans le texte de présentation de Vidéa, on trouve la formule « La vidéo est pour nous un moyen de contre-information. Tout ce qui nous concerne doit être dit par nous, et non par les hommes qui, détenant le monopole des médias, dénaturent l'information. La vidéo est pour nous une intervention féministe. Femmes auprès d'autres femmes, nous filmons nos luttes, nos vies, nos rêves. » Et je propose qu'on regarde un extrait maintenant d'un film de Vidéa qu'on va te laisser présenter, Anne-Marie. Kate Millett parle de la prostitution avec des féministes. Et en l'occurrence, à l'image, on peut reconnaître, outre Kate Millett, Monique Wittig et Christine Delphi, qui est ici. Est-ce que j'en parle bien? Oui, présente le film, bien sûr, en 1975. Hein, donc. Voilà. Donc, c'est... Bon, d'abord, je reparle un tout petit peu de Vidéa. En fait, à cette époque, on avait... Donc, là, on avait déjà deux unités portables. Et on n'y connaissait quand même pas grand-chose, mais je pense que c'était assez simple, la vidéo, parce que... on avait eu quand même le culot de donner des stages. Très rapidement, Sylvie et Catherine donnaient des stages de leur côté, Isabelle et moi, on donnait des stages de notre côté à des féministes qui voulaient apprendre la vidéo. Et donc là, c'est assez mal filmé, vous verrez, parce que c'était Sylvie et Catherine en fait qui donnaient un stage vidéo. Et bon, nous, on était là pour les assister, mais y a des petits problèmes techniques dans le film qui sont dus à ça. Et ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas nous qui ayons filmé, quoi, mais que ce soit des stagiaires. Et l'endroit où c'était le Glyph, qui était un café dans les Halles, ou un café de femmes. Et vraiment, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de réunions, comme ça, des gens qui venaient parler, des femmes qui venaient parler, des projections de films, nos films vidéo, on les a tous diffusés dans ce café. Et donc là, ça se passe au Glyph, et c'était au printemps 75. À ce moment-là, il y a une grève des prostituées, un mouvement qui part de Lyon et qui s'étend en fait à toute la France. Et il y a eu un grand débat chez les féministes qu'est-ce qu'on est, nous, féministes, par rapport aux prostituées ? Quelle position prendre ? Et donc, Kate Millett venait de publier un livre à ce propos, enfin, qui parlait de la prostitution. Et donc on l'a filmé dans ce Glyph, dans ce café, rue des Prouvaires, au Halles. Et Christine et Monique l'interview et la traduisent plus ou moins. Voilà. Prostitution is a kind of in which prostitution is a kind of sort of boogeyman. Do you know that expression? A kind of Loch Ness monster for all women. We are all raised to think, if I were unlucky, I would be standing there on the street selling myself. La prostitution est une sorte de monstre du Loch Ness pour toutes les femmes. Nous sommes toutes élevées de telle sorte que nous nous disons « Ah, si je n'ai pas de chance, je vais me retrouver dans la rue en train de me vendre. Mais je suis protégée, je suis sauve. Cela ne va pas m'arriver. Je peux trouver un autre moyen pour manger. J'ai un petit ami, ou un mari, ou un travail respectable, ou une bonne famille, quelque chose qui me protège. » J'évite ce destin. Mais ce destin est présenté à toutes les femmes et c'est peut-être psychologiquement une des raisons majeures pour laquelle nous sommes opprimés. Nous sommes toutes habituées à voir une petite partie de nous-mêmes et de notre monde vendue. C'est une forme d'esclavage et nous avons à le vivre. Et toute la société écrase les femmes qui sont déchues. Et c'est là pour nous effrayer toutes et nous rendre timides. The English expression used to be. So that is there to frighten all of us, to keep us all timid and quiet and afraid. Yeah. Elle demande la libre disposition de notre corps pour nos désirs, pour notre plaisir. Elle demande la libre disposition de leur corps pour le vendre. Alors on s'est posé la question, est-ce que nous, de toute façon, on n'arrive pas à se prostituer? Il se trouve qu'elles ne prostituent pas leur sexualité, ni leur affectivité, ni leur tendresse. Elles prostituent leur sexe comme... Comment vous pouvez imaginer qu'une femme qui prostitue son corps toute la journée, c'est-à-dire qui vend son corps toute la journée, puisse avoir la même sexualité que toi, par exemple, Signe? C'est pas possible. Elle n'a malheureusement pas cette liberté-là. C'est en ce sens-là que c'est l'esclavage le plus extrême qui peut nous arriver. Parce que notre corps, c'est quand même... Je sais pas, notre esprit n'est pas séparable de notre corps. Je sais pas, c'est presque une question métaphysique, cette question-là. Ça dépasse complètement toute question économique. Tu te rends compte à quel point ton esprit est enfermé dans ton corps? Je veux dire, quand tu prostitues ton corps, tu prostitues ton corps et ton esprit. Et quand tu prostitues ton esprit, tu ne prostitues que ton esprit. Et tu protèges bien ton corps. Excuse-moi, mais j'ai pas envie d'aller sur le trottoir tous les jours pour vendre mon corps. Je trouve que c'est pas la même chose que de vendre ses livres. Et je me sens plus libre de vendre des livres. Mais Et même, je peux éprouver un plaisir à vendre des livres, non pas à vendre, mais à écrire des livres, tandis que je ne peux pas éprouver un plaisir à faire l'amour en étant prostituée. C'est quand même... Je ne sais pas, moi, comment l'exprimer, ça. Mais c'est... Kate dit, sans répondre à personne en particulier, elle veut insister sur le fait qu'en condamnant la prostitution, souvent, il ne faudrait pas glisser dans, en tous les cas, ce que les prostituées sentent comme une condamnation des prostituées elles-mêmes. Et c'est souvent ce qu'elles sentent. Elle dit que quand il y a eu aux États-Unis des rencontres entre des prostituées et des femmes du mouvement, ça tournait à la confrontation et que les prostituées se sentaient condamnées, se sentaient méprisées par les femmes du mouvement de la même façon qu'elles le sont par tout le monde. Est-ce que le mouvement pense que dans la prostitution, il y a une forme d'esclavage et que dans un sens, c'est vrai, mais... Continue. mais que on a été, c'est la façon dont les hommes nous contrôlent, c'est justement en nous séparant et en nous divisant, et que les prostituées sont assez méprisées par tout le monde, sans en plus être méprisées par les autres femmes. Est-ce que tu en veux des proverbes, c'est-à-dire, puisqu'on est contre la prostitution, alors pourquoi soutenir le combat des prostituées qui demandent finalement qu'elles soient reconnues et légales? Alors moi je voudrais dénoncer ce sophisme, ça me semble un sophisme extrêmement grave, de deux façons. Parce que c'est comme si on disait, en fait, parce qu'on est contre le cancer, on doit tuer les cancéreux. Ben, je suis désolée, les cancéreux sont les victimes du cancer. Et ce ne sont pas eux qu'on doit condamner. Et on doit les soutenir, eux, contre le cancer. Et de la même façon, on doit soutenir les prostituées vis-à-vis de la prostitution. Je voudrais... il me semble qu'il y a une autre forme de sophisme. C'est qu'en disant ça, on dit les prostituées, ce qu'elles demandent, c'est d'avoir un métier, que la prostitution soit un métier respectable. Mais regardons précisément ce qu'elle demande. Elle demande de ne pas être punie, de ne pas avoir des amendes pour le fait de se prostituer. Bon. Si nous nous disons, nous ne voulons pas soutenir ça, parce que soutenir ça, c'est la prostitution, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'avoir des amendes ne les empêche pas de se prostituer. Elles se prostituent de toute façon. Hein? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'empêchons pas la prostitution, mais par contre, nous aidons négativement, c'est-à-dire par notre accord, nous aidons la société à les punir de la prostitution. Donc dire parce qu'on est contre la prostitution, on doit être contre leurs revendications, n'a aucun sens, parce que le fait qu'elles aient des amendes, ce qu'elles ne veulent pas, n'est pas quelque chose qui supprime la prostitution. Et je voudrais ajouter une troisième chose positive, c'est qu'il me semble que nous parlons d'une situation de privilégié en disant ça. Parce que avant de pouvoir mettre en question quelque chose, que ce soit la prostitution ou les buts très bourgeois que poursuivent les prostituées, et ce qui frappe beaucoup de filles du mouvement, qu'elles revendiquent une vie très bourgeoise, une liaison avec une personne, qu'elles revendiquent la maternité. Souvent, les filles du mouvement disent « nous ne pouvons pas soutenir ça ». Or, je pense que c'est une position de privilégié, c'est-à-dire que nous pouvons l'avoir et nous pouvons le mettre en question. Mais elles ne peuvent même pas avoir ça. Et je pense que c'est une règle générale qu'on ne peut pas dépasser. Qu'on ne peut pas mettre en question, qu'on ne peut pas dépasser quelque chose qu'on n'a pas encore. Et c'est le même sophisme qui s'applique quand on dit « Pourquoi est-ce que les femmes devraient vouloir travailler comme les hommes ?» Mais on doit avoir la liberté d'avoir l'esclavage du travail salarié avant de pouvoir le dénoncer. Or, les femmes n'en sont même pas à ce point d'exploitation qui est un point d'exploitation supérieur. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans. Je pense que le soutien des féministes doit être entier aux prostituées et à leur demande, même si c'est la revendication, que pour l'instant, ce commerce ne soit pas puni. Vous avez ici évidemment un petit échantillonnage de cette idée que ces corpus de la vidéo des premiers temps sont souvent des lieux très intéressants aussi pour réfléchir aujourd'hui, et que beaucoup de problèmes, de problématiques, de questionnements soulevés dans ce contexte-là sont précieux, sont féconds pour interroger aujourd'hui encore